de France Culture. Philippe Garbi, Geneviève Hutin, Christine Goémé, Alban Penaranda, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, avec vous jusqu'à 6h30. La nuit rêvée de Fabrice Luchini. Fabrice Luchini, bonsoir. Philippe Garbi, bonsoir. Et merci à vous de passer la nuit en notre compagnie, ou plus justement, bienvenue aux auditeurs des Nuits Transculture qui vont suivre votre programmation, la programmation des archives que vous avez choisie pour eux. Enfin, peut-être pour vous d'ailleurs en premier lieu, parce que quand on est approché par quelqu'un qui vous donne carte blanche comme ça, on se dit quoi? Quelles ce sont des voix que l'on aimerait entendre, des voix de proches, des voix de gens de sa famille ou des voix de gens très connus qu'on a peut-être déjà entendu beaucoup, qu'on vous a peut-être interprété. La caractéristique des journalistes, même les plus atypiques, les plus brillants de France Culture, c'est de vous faire penser à des choses auxquelles vous ne pensez jamais. Et vous savez, les questions de journalistes, quel que soit le niveau, c'est toujours des situations étranges. Donc, quand on demande avec qui vous aimeriez passer la nuit, bah, vous êtes un peu perdu. Vous dites avec qui On vous demande toujours des choses. Bon, écoutez, alors on a des personnages fondamentaux dans son existence. Moi, j'ai la chance d'avoir été très très nourri, très inspiré par Jouvet, après par Guitry, par Céline, par Claude Darget. Et je me suis dit que finalement, ils ont des points communs. C'est d'abord des gens qui ont un phrasé, chose qui n'est plus du tout d'actualité. Les acteurs, dans le temps, n'avaient d'existence que par leur phrasé. Un phrasé, un timbre, une sonorité, ce que les crétins appellent une diction, mais c'est pas une diction. C'est un phrasé. Un phrasé, c'est finalement jusqu'aux années 50 que ça a vraiment existé. À la mort de Jouvet, le concept de phrasé est tombé en désuétude pour être remplacé par l'abject mot psychologie. Psychologie qui est la mort, qui est la poubelle de l'âme. C'est par la psychologie que les acteurs se sont mis à penser. Et il faut surtout pas penser dans notre métier. Jouvet ne pensait jamais. Il dit d'ailleurs, pour être intelligent, il faut abdiquer l'intelligence, et que pour l'être un peu intelligent, il faut renoncer. Parce que ici, c'est-à-dire au théâtre, ton intelligence est superflue. Et le phrasé, voilà, je me suis dit, tiens, alors il y a aussi Bernard Privat, dont je vous ai parlé. J'aurais pu parler de Roland Barthes, j'aurais pu parler de Michel Bouquet, j'aurais pu parler de Jean-Laurent Cochet. Au moment où on s'est eu là, ce qui est venu là, ce soir, un soir de janvier, évidemment Céline, puisque je reprends mon premier spectacle. Au Théâtre Antoine. Au Théâtre Antoine pendant 2 mois ou 1 mois et demi. Là où il y a près de 30 ans, chez Renaud Barrault, il m'avait demandé de faire un essai, hein, en quelque sorte. Et c'est un essai qui a été joué, je sais pas moi, 3500 fois. Non, oui. Oh oui, 2500 fois ou 3000 fois, je ne sais plus. Et voilà, le point commun avec tous les gens avec lesquels on va passer la nuit, c'est des gens avec une voix, avec un phrasé. Alors on pourrait dire que ce sont des grands monologants. Pas vraiment. Bernard Privat n'était pas un monologant, c'était un grand éditeur chez Grasset, le directeur de Grasset. C'était un fragile, un être en empathie organique avec l'écrivain, avec cette bonne dose de désenchantement et d'enthousiasme, comme souvent les gens les plus, ce qu'on aime le plus. Ces romans en témoignent d'ailleurs. Des pessimistes gays. C'est comme ça que Freud se définissait. Il se définissait comme ça, Freud. Freud et pas Gérard Miller. Hein? Non, juste pour hiérarchiser. Parce qu'on est dans une époque où plus rien n'est hiérarchisable. Hein? Il y a une espèce d'immonde mélasse de bien droit de l'homme, là, où tout le monde est pareil. Gérard Miller, Vaudrey, je sais pas qui, moi, Freud, ou je sais pas, Grodeck. Grodeck, hein, inventeur du ça. Alors, moi, je commence à comprendre, Fabrice Luchini, en somme. Ce qui a présidé à votre choix d'archives, c'est très important pour vous, mais ce qui pourrait ne pas présider à un non-choix d'archives, c'est aussi important. C'est-à-dire tous les gens que vous avez envie de démolir. Pas démolir, oh là là, attaquer chez moi est une forme de reconnaissance, disait Nietzsche, et on n'attaque pas des gens. Non, je dis qu'on est dans une époque de bien-pensance effrayante, mais en plus, Bon, France Inter, on en est l'incarnation. Vous êtes sur France Culture ici. Je sais bien. Je vous interdis, Fabrice Luchini, de dire du mal d'une radio amie, puisque nous sommes dans les mêmes murs. Mais elle est quand même dépositaire du bien et du mal. Ah bon. Alors par exemple, qu'est-ce qui préside à votre choix, Fabrice Luchini, lorsque vous décidez de faire des soirées littéraires, une programmation littéraire, parce que vous connaissez pas vraiment le phrasé de Baudelaire, de Victor Hugo, de La Fontaine, de Nietzsche, de Flaubert, de Chrétien de Troyes non plus. Hein. Bah, Peggy, vous pourriez me nourrir. Non, malheureusement. Rimbaud non plus. Non plus. Barthes, vous pouviez. Oui, mais. Mais alors, qu'est-ce qui me motive à faire des soirées en réunissant ces stylistes-là? Parce que mon métier, c'est de m'approcher de ces génies, et mon métier, c'est d'essayer de restituer en détruisant pas au maximum l'impulsion de leur pensée, ou pour citer Jouvet. Pour ne pas alourdir de tes intentions personnelles l'innocence de la réplique. Ça résumerait assez bien mon ambition. J'en ai moins maintenant, mais disons que pourquoi je passe des soirées avec ces gens-là? Eh bien parce que La Fontaine me semble un génie, que j'ai appris mon métier en me confrontant à ses difficultés. Et que mon métier, c'est d'être diseur. Je suis quelqu'un qui est là pour dire des textes. C'est ça mon métier. Est-ce que c'est aussi parce que vous vous êtes dit, tiens, je les ai pas lus enfant ou adolescent, je me rattrape, et finalement, en faisant mon apprentissage, je fais aussi celui de spectateur, parce qu'après tout, quand on va assister à un spectacle de Fabrice Luchini, on croit connaître le texte, et puis évidemment, et heureusement, on entend autre chose. Enfin, on le découvre. Oui, il y a certainement une séance de rattrapage par rapport à l'accablement parcours scolaire que j'ai eu, puisque j'ai quitté très tôt et que j'ai eu le certificat d'études, quoi. Donc j'ai quitté l'école à 13 ans, hein, rue Clignancourt, dans la même école que Didier Vaillant. On était voisins, il habitait rue Lambert et moi j'habitais rue Labat et rue Ramet. Et donc on était dans la même classe. Avec mon frère. Moi, j'étais un an de moins que lui. Et j'ai quitté la rue de Clignancourt à 13 ans et demi. Donc, c'était très tôt, quand même. Alors, vous avez cité, Fabrice Luchini, Bernard Privat. Alors, on va l'entendre tout à l'heure dans une longue émission, enfin, un livre des voix, puisqu'au micro de Jean-Jacques Vierne, il venait parler de son dernier roman, qui était L'Itinéraire. C'était en 1982. Mais avant d'écouter cette émission, il sera à peu près 1h25 dans votre nuit rêvée, Fabrice Luchini. On va l'entendre dans un tout petit extrait. Il est au micro d'une journaliste de France Inter, figurez-vous. Ça ne vous dérange pas, on peut l'écouter quand même. Une nuit sans sommeil, parce que le narrateur se promène dans une ville pendant la nuit et demeure éveillé. Par conséquent, au premier degré, c'est effectivement le sujet du livre. Au second degré, je pense que nous vivons tous plus ou moins une nuit. Notre vie est une nuit. Certains la vivent en dormant et certains la vivent éveillée. Et je crois que moi, je suis de ceux qui la vivent éveillée. Mais pas tellement vos personnages. Ils sont nocturnes, mais au sens vraiment onirique. Ils rêvent un peu, non? Oui, bien sûr, mais Ils sont inadaptés. Quand je dis le sommeil, pour moi, le sommeil, c'est justement la vie quotidienne, la vie sociale, les échanges faux, les mensonges. Et pour vous, la vraie lucidité. Et la vraie lucidité est au contraire dans l'autre monde. C'était Bernard Privat sur France Inter, le 4 mars 1966, il était au micro de Claudine Chalaise et il venait donc évoquer son dernier roman, ça s'appelait « Une nuit sans sommeil » chez Gallimard. Vous vivez vos nuits éveillées dans l'autre monde. Vous avez bien reconnu, Fabrice Luchini, la voix de Bernard Privat. Vous avez dit qu'il était directeur des éditions Grasset, c'était le neveu aussi de Bernard Grasset. C'est quelqu'un qui a marqué l'édition des années 50, 60, 70 et surtout qui a marqué la mémoire de ses amis. Oui, parce qu'il avait un don pour l'autre. Il avait vraiment un don pour l'autre. Vous imaginez qu'ils m'ont reçu dans la Drôme, à Kliouskla. Moi, j'étais quand même le shampooineur de sa fille. Béatrice. Qui venait, à qui je faisais des brushings. Et elle m'a emmené, j'avais 15 ans, ouais, à peine 15 ans. On est parti en voiture avec Jeannette, son épouse, et nous voilà partis dans un... voilà, je quitte le 18e arrondissement, la Goutte d'Or, et je me retrouve dans un univers de gens littéraires quand même, hein, incroyablement littéraires. Et il m'adopte profondément, puisque je suis devenu vraiment intime avec Béatrice. Et Bernard était un être d'une... Il avait la frénésie de l'autre. Hein. Il aurait été sidéré de l'évolution des choses, leur noirceur, leur désenchantement, leur avec cette tyrannie du ricanement. Il aurait été désenchanté, il aurait été halluciné. Il venait encore de cette époque, j'allais le voir rue Grasset, rue... J'allais soit rue Grasset. Non, mais rue des Saints-Pères, je me trompe pas. Oui. Il avait une énorme porte capitonnée. Et puis il me disait toujours... Je lui disais, mais t'es content d'être éditeur? Il me disait, oh oui, oui, oui, je crois que je vais manger encore de ce gazon encore un peu de temps. Je lui disais, mais les livres, oh ben ils les lisent pas. C'était merveilleux. Il savait que les gens n'achetaient que pour acheter, mais ils lisaient pas. Il parlait pas de ses propres éditeurs, j'espère, des directeurs littéraires qui ne lisaient pas. Non, il parlait du public. Il était déjà assez intuitif sur... Sur les choses. Et il vous passait des livres, il vous a fait... Non, il était très, très impressionné par le côté autodidacte. Ça l'intéressait beaucoup plus. Donc, il me demandait absolument d'aller voir tous ces personnages déments que je connaissais, qui étaient des marginaux. Et il voulait absolument se promener dans les abbesses. Je lui montrais où habitait Céline, où habitait Jean Paul, où habitait Daragnès, le sculpteur, avenue Junot, l'imprimeur, je crois, je sais plus, d'araignée, je sais plus ce qu'il faisait. Mais, Et pour vous reprendre, c'est pas Denis Vaillant, c'est Daniel Gisson. C'est Daniel. Si on pense. Ben oui, c'est Vaillant. Non, mais j'ai dîné avec lui quelques années, une dizaine d'années chez Jospin, et Jospin était comme vous, il était inquiet de mes dérapages contre France Inter, donc, il avait fait venir Vaillant. Mais c'est pas méchant, hein. Simplement que c'est drôle de dire que voilà. Il était un passionné de l'autre. Voilà qui était Bernard. Et je vais sur sa tombe, pas tous les jours, puisque c'est Kiyoskla, dans la Drôme. Et je le vois très bien avec sa cigarette. Mais je l'aime beaucoup. Il faisait toujours ça. Mais je l'aime beaucoup. Il baissait très bas avec la clope. Il était frénétique de l'autre. Il n'avait pas de rapport à lui. Il n'était pas infatué. Il était en évitement même, je pense. Et dans mon souvenir, il zozotait un petit peu plus aussi. Il y avait un petit peu. Oui. La cigarette, j'aime beaucoup. Et sa sœur vit encore. À Kiyoskla. Oui, elle vit encore, sa sœur. Linette. Bon, c'est toute une famille, alors bon, on parle comme ça, mais c'est bien de parler de quelqu'un que les auditeurs ne connaissent sans doute pas, qui vont découvrir plus tard dans la nuit, en tout cas à propos d'un de ses livres, et puis ils pourront lire, parce que je crois que ça se trouve chez Folio. Il était PDG de Grasset, mais il publiait chez Gallimard. Chez Gallimard, oui. Voilà. Mmh. Et puis il y a eu une OPA, enfin il y a eu les drames de la société, quoi. C'est-à-dire que, bon, j'ai l'impression qu'ils ont été très durs, quoi. Ils l'ont viré un peu comme un malpropre. Les éditions Grasset, Fasquelle, tout ça. Enfin, bon, tout ça, c'est... Voilà. Bon, on n'est pas là pour dire du mal de personne, ni d'Inter, ni de Grasset, ni de Fasquelle. Bon, on va s'emmerder. Oui, alors... Non, on ne va pas s'emmerder, parce que, Fabrice Lucchini, vous allez me parler de qui? Eh bien, de Claude Darget. Parce que, alors, voilà, c'était le premier... Quand on s'est téléphoné, c'était l'un des premiers noms. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est marqué par la... Les gens se souviennent de lui, et peut-être c'est votre cas, à la télévision. Parce que c'était la première fois qu'on entendait le lion. C'est-à-dire que c'était cette famille, cette incroyable puissance de l'époque de Cinq Colonnes à la Une. Et puis La Vie des Animaux. La Vie des Animaux. Avec et d'Argent. Et donc, le commentaire ne venait pas entraver comme aujourd'hui. Le commentaire n'était pas bavard. Le commentaire mettait en situation l'image. Mais on avait besoin de son interprétation de l'image pour que l'image prenne une dimension. Alors, Claude Darget, c'était magnifique. Mais on ne le voyait pas, pourtant. Non, on ne le voyait pas. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Il faisait de la radio ou la télévision. Bah, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, c'est ça qui faisait sa force. Et rappelez-vous, c'est l'époque de Pierre Dumayet, Pierre Lazareff, Pierre Desgros, c'était en premier Pierre Desgros, Et Igor Barrère vous propose 5 colonnes à la une. On était totalement tétanisés parce que c'était l'époque de la chaîne. Il y avait qu'une chaîne en noir et blanc. Et on écoutait ça. C'était très impressionnant. Des voix. Il va falloir que je fasse attention à mon côté réactionnaire. Mais écoutez, c'est votre nuit rêvée. Après. Bon, alors donc j'ai le droit de dire que qu'est-ce que c'était alors ? Pas le concept. Quand les gens caricaturent Finkielkraut en disant ouais, on les connaît, ceux qui disent que c'était mieux avant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avant, il y avait des voix, même à la télévision, même dans un domaine qui n'était pas un domaine, c'était pas des génies, ces gens-là. Mais ils parlaient une langue, il y avait quelque chose qui s'écoutait, ce qui est très impressionnant maintenant pour quelqu'un qui vit que par l'oreille, comme moi, parce que je regarde peu de choses, j'ai une vue très mauvaise. Je suis impressionné des voix des gens. Il y en a encore quelques-uns qui ont des belles voix. Hein. Il y a le gars de la 2, très beau garçon, a une assez belle voix, même très belle voix. Des gens ont encore des belles voix, mais c'est les femmes de la météo qui sont impressionnantes. Elles m'anéantissent tellement, elles ont une voix qui s'adresse à personne, pensant s'adresser à tout le monde, donc elles s'adressent à personne. À l'anticyclone, peut-être elle parle. Oui, peut-être à l'anticyclone. Mais c'était des voix, à Claude Darget, par exemple, venait de la radio. La preuve, c'est que l'émission que vous allez entendre dans quelques 10 minutes, Rive droite, rive gauche, Le marché aux chats et aux chiens, c'est un petit reportage absolument léger. Ouais. Comme ça, c'est dans Paris, c'est là où il y a actuellement le marché aux livres. Eh bien, avant, il y avait le marché aux chats et aux chiens en 49, et on pouvait vendre son propre chien, une petite couvée de chats, etc. Et il est très amusant parce qu'il est un peu impertinent, comme ça. Le sujet n'est pas sérieux, donc heureusement qu'il ne se prend pas au sérieux. Mais c'est une voix de radio, c'est une voix. Et ensuite, quelqu'un qui est allé à la télévision, comme ça se faisait beaucoup. Et puis, il n'a pas trop plu, donc on l'a évincé, je crois, de la présentation du journal, et on l'a mis à la philatélie. Aux émissions sur les animaux. Et du coup, il est resté beaucoup plus célèbre que s'il avait présenté le journal télévisé. Voilà, et on en garde de lui le souvenir de... Oh, c'est incroyable. Hein, c'est un grand souvenir, Claude Darget. Alors vous, donc, Fabrice Lucchini, puisque vous dites que vous avez arrêté l'école à 13 ans, vous aviez la télévision, j'imagine, vos parents avaient la télévision, absolument. Puisque vous regardiez 5 colonnes Claude à la une. La vie des animaux. Et Discorama avec Denise Glaser. Et bien, par exemple, puisque on va en entendre ensuite, grâce à vous, Louis Jouvet, ce Louis Jouvet, vous l'avez entendu pour la première fois quand ? C'était à la radio ? Non, là, je ne sais pas si j'ai entendu Jouvet. Si je vous dis la vérité, la première fois que j'ai entendu parler de Jouvet, c'était par un homme qui faisait des teintures, coiffeur, quand j'étais en face de Avenue Montaigne, en face des philatélistes, là où j'ai commencé mon apprentissage d'apprenti coiffeur. On revient à Claude Darget, alors. Oui, en 66. En 66, je suis coiffeur, c'est là que je rencontre Béatrice Privat. Enfin, je suis apprenti coiffeur. Et là, c'était un salon de coiffure au 3 Avenue Matignon. Donc, en face des philatélistes à cette époque-là, dans les jardins des Champs-Élysées, là où Proust assiste au premier malaise de sa grand-mère. Dans le chalet de nécessité. Voilà. Dans cet endroit-là, Proust a cette découverte épouvantable de la maladie, etc. Et un jour, un homme, totalement d'une époque des années 50, m'imite Louis Jouvet. Mais comme Laurent Gérard imite Louis Jouvet, en me citant une réplique. J'étais très impressionné par cette réplique. Et je savais que Jouvet, c'était un souvenir d'enfant avec Quai des Orfèvres, avec les... Et puis alors la révélation, le compagnonnage, la transfiguration, je vais dire un mot un peu violent, mais c'est vraiment ça, la révélation... Ça a été quand, après ma rencontre avec Éric Rohmer, les gens d'Armédia, qui était une agence qui était très connue à cette époque-là, m'avaient envoyé chez un professeur de théâtre très classique, où, bon, je l'ai raconté souvent, pour la première fois, je comprenais de quoi il était question, alors que jusqu'à là, à part ce que me disait ma mère, j'avais l'impression de rien comprendre à ce qu'on disait. À l'école, partout, je comprenais pas bien. Chez les prêtres, partout, je comprenais pas bien. Et à la seconde où j'ai vu Jean-Laurent Cochet diriger, je crois qu'il y avait un Labiche et un Racine, j'ai été sidéré de voir que je comprenais tout. Et c'était très impressionnant pour moi parce que j'étais très inadapté, très névrosé, enfin très névrosé, très anxieux tout au moins, assez hystérique. Et là, j'ai découvert une langue qui était une langue qui m'a parlé. Il a expliqué le sous-texte de toutes ces grandes écritures. Et à partir de là, j'ai été un peu fasciné par le métier de comédien. Je m'y suis attelé avec beaucoup de sérieux. Et puis arrivé au premier aboutissement, les trois premières années d'apprentissage, vous débouchez sur ce que Michel Bouquet appelle le Dalai Lama pour nous tous, qu'est Louis Jouvet. C'est une formule de Bouquet qui a bien raison de le penser. Alors bon, après j'ai mis 30 ans d'obsession sur le métier d'acteur, et particulièrement qu'est-ce qu'une phrase, qu'est-ce qu'un état à communiquer, et qu'est-ce qu'une partition comme un homme de la musique classique. Et j'ai abordé le métier d'acteur sous l'axe et l'angle de la partition musicale et de ton identité d'interprète exécutant une partition qui est plus grande que toi. Ça, c'était un peu l'école anti-moderne, anti-développe-toi toi-même, épanouis-toi, raconte-nous quand tu t'es branlé la première fois, donne ton ego. Chez Cochet, il n'y avait pas le droit de parler d'ego, on n'avait pas le droit, on était écrasé par le chemin qui nous restait à pratiquer. Et il y avait l'anti-improvisation, l'anti-moi-je, l'anti-psychanalyse. Fallait être des instruments de bonne qualité pour être à la hauteur des partitions. Donc j'ai beaucoup aimé cet enseignement-là, mais au bout du compte, au-delà de tout, est arrivé Jouvet. Alors, Jouvet, pourquoi Jouvet? Eh bien, curieusement, je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs, il y a extrêmement peu de témoignages sur l'art du comédien. Pas non plus d'une gravité si grande que ça soit nécessaire. Mais pour un apprenti comédien, il y a Diderot, qui est un intellectuel remarquable, mais qui n'est qu'un intellectuel, puisque Jouvet parle très bien de Diderot en disant « Il n'en a jamais subi la passion, il n'en a compris que le paradoxe. » Ça a l'air de rien, mais c'est génial. Ça veut dire que Jouvet laisse un énorme témoignage qui n'avait jamais été fait avant lui sur l'art de l'acteur. Le séparant du comédien, qu'est-ce qu'un acteur, qu'est-ce qu'un comédien, qu'est-ce que ta vocation, qu'est-ce que la saleté de ta fausse vocation, qu'est-ce que la grandeur de ton métier. Et là, Jouvet a laissé des témoignages que tout acteur devrait prendre. Flammarion m'a donné le privilège de faire la préface du livre qui sort en janvier, c'est-à-dire ce mois-ci, du comédien désincarné. C'est un livre phare, un livre dont j'ai fait la préface modestement, et qui est le livre le plus important pour un acteur et pour un comédien, et d'ailleurs pour n'importe qui veut s'approcher sur autre chose que le comédien en tant que névrose narcissique ou épanouissement personnel. Mais dans la conférence donc de Louis Jouvet, qu'il a prononcée à Boston, à l'université de Boston en 1951, c'est-à-dire en janvier, puisqu'il est mort quelques mois après. Au mois d'août. Il parle évidemment du métier, alors comédien, acteur. Et vous, c'est aussi en une demi-heure, vous pensez que tout est dit là, qu'il dit tout? Écoutez, c'est le seul homme qui a lavé les comédiens du péché. Vous savez que dans la Torah et dans la Bible, le seul péché, le vrai péché, l'immense péché pour les Juifs, c'est la séduction. Dans la Torah, la séduction est considérée comme le péché principal. Pourquoi ? Et pourquoi les comédiens n'étaient pas enterrés ? Au-delà du fait qu'ils éveillaient des passions qui éloignaient de Dieu. Il y a une chose à travailler là-dedans. Ils étaient enterrés de nuit. De nuit et pas dans des cimetières, ou tout au moins pas reconnus par l'Église. Ben évidemment, la modernité voudrait voir Landau, c'est dégueulasse. Faut réfléchir un peu aux choses. Pourquoi on n'était pas enterré? Eh ben, il y a des choses à comprendre. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de Jouvet sans parler du christianisme. Chez Jouvet, l'obsession chrétienne est constamment présente. Donc, c'est un homme qui a comme livre de chevet Saint François de Sales et qui s'occupe des petites magouilles, de la petite merdouille de nos cuisines narcissiques et minables, de notre condition de comédien. Et qu'est-ce qu'il y fait? Il fait le ménage, il balaye, et il offre à chaque comédien la possibilité d'une vacance, d'un état quasi bouddhique, d'un état quasi mystique, pour se débarrasser et de son ego et de sa personnalité et de son narcissisme. Paradoxe hallucinant, parce qu'il n'y a pas d'acteur sans ces trois composantes. fébrilité psychologique, narcissisme épouvantable et égocentrisme immense. Comment se fait-il que Jouvet vienne s'occuper de tout ça? Eh ben, en lisant Le Comédien désincarné, vous comprendrez pourquoi. Et en allant voir Écoute mon ami, on pourrait voir un jour Écoute mon ami. Je l'ai joué pendant 2 ans. Mais est-ce que vous allez le rejouer, Fabrice Luchini? Je peux vous en dire une ligne. Vous voulez? Évidemment. Écoute le compliqué et le difficile du métier. Considère-toi dans ta vocation. Elle n'est pas ce que tu crois. Choisis ce que tu veux devenir. Tu as pris une grave responsabilité envers toi-même, envers l'esprit et envers Dieu. Pour être comédien, il faut se montrer. C'est d'abord un plaisir de vanité pure et de présomption téméraire. Il dure parfois jusqu'à la mort. Mais si un jour tu t'aperçois de ça, alors tu seras sur le chemin de comprendre que pour bien pratiquer ce métier, l'important est dans le renoncement de soi, que la véritable personnalité est faite de dépersonnalisation en faveur de toute la richesse des grandes œuvres littéraires. Et je te parle à moi-même, il faut penser ta sensation. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Ça commence comme ça, écoute mon ami. Écoute mon ami, il faut penser ses sensations. Et la même année, c'est-à-dire 2002, vous avez joué Knock. J'ai joué Knock, totalement dirigé par Jouvet. Et Maurice Bénichou l'a accepté. Je ne faisais que lire Jouvet, parce que pour Jouvet, Knock fait partie des personnages. Pour aller très vite, hein, en une minute, en 30 secondes, la thèse de Jouvet, c'est qu'il y a le théâtre classique qui est fait, surtout le XVIIe siècle, qui est fait de personnalités qui sont des personnalités supérieures, puisque ce sont des archétypes humains. Et puis après, le théâtre n'a fait que se dégrader pour arriver à Bernstein, à des psychologies grossières. Mais c'est pas grave, il détestait pas Bernstein. Mais il méprisait un peu Bernstein. Mais il aimait pas Guitry non plus, tout ça. Ce qu'il pense, c'est qu'il y a... Qu'est-ce qu'un personnage? C'est quelqu'un qui a un ascendant. Donc, il y a très peu de personnages dans le théâtre. Alors, ceux-là, il ne faut pas témoigner de soi-même quand vous les interprétez. Alors, il met Alceste, évidemment, le misanthrope, Hamlet, le Don Juan de Molière. Alors là, sa thèse, c'est qu'il ne faut pas apporter sa cuisine. Vous savez, la thèse, amène ton vécu, c'est l'auberge espagnole. Il y a une conférence aussi de Louis Jouvet sur Don Juan. Bon. Et qu'on a passé dans les nuits il y a quelques mois, on la repassera. Eh ben, c'est passionnant parce que c'est à partir de là qu'il dit, pour un personnage contemporain, fais ce que tu veux, amène ton... Mais si tu amènes ta colère sur la colère d'Alceste, tu réduis la colère d'Alceste à ta petite colère. Donc tout le travail pour un comédien, c'est comment jouer Alceste en ne... provoquant pas une fausse colère, qui est un cliché de colère, mais trouver la colère d'Alceste. Ça a l'air très abstrait, mais c'est très concret. En tout cas, Fabrice Luchini, votre nuit rêvée, cette première partie de Nuit rêvée, donc, va nous faire entendre Claude Darget dans quelques instants, Rive droite, rive gauche, Le marché au chat et au chien. Alors là, vraiment, il n'y a pas de colère, c'est léger, c'est voilà. La conférence de Louis Jouvet à Boston qui date de 1951, qui avait été diffusée plus tard sur la chaîne nationale, c'était en 62, mais peut-être qu'elle avait été diffusée plus tôt, enfin on ne sait pas trop, mais peu importe d'ailleurs. Un livre des voix Bernard Privat à propos de son roman L'itinéraire par Pierre Cipriot. Et puis, alors vous disiez peut-être que toutes ces personnes, tous ces personnages se ressemblent. Vous avez demandé tout de suite aussi, dans un premier coup de fil qu'on a eu, Philippe Clévenot. Oui, alors, 40. Voilà. Le seul grand acteur, à mon avis, le seul grand acteur véritable, enfin évidemment il y a Michel Bouquet qui est encore là, mais Clévenot a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Elvire 40, mis en scène par Brigitte Jacques, remarquablement capté, mieux que capté par Benoît Jacquot. Voilà un spectacle que j'ai vu une quinzaine de fois, qui sont les cours de Louis Jouvet sur le personnage, évidemment, de l'héroïne de la pièce. Et Clévenot ne fait pas du Jouvet, et pourtant toute l'œuvre, puisque la pièce sont les cours de Jouvet, hein, et bien toute l'œuvre de tous les cours de Jouvet passent remarquablement bien. Alors là, ça sera la conférence au Vieux Colombier d'Antonin Artaud, puisqu'alors là, on est à nouveau dans une conférence, sauf que c'est, on aura la conférence de Louis Jouvet à Boston, qui est la vraie conférence par le vrai Louis Jouvet. Mais là, ce n'est pas par le vrai Antonin Artaud, encore qu'on a la voix d'Antonin Artaud, bien sûr, on l'a entendu à la radio de nombreuses fois. Mais donc, dites par Philippe Lénaud, vous pourriez reprendre, par exemple, Elvire 40. Oui, ou la conférence au Vieux Colombier. Ou... Alors ça, je ne la connais pas bien, cette conférence au Vieux Colombier. Bah, c'est cette conférence que Antonin Artaud avait donné en sortant après la guerre, c'est-à-dire que son corps était absolument défait, il y avait eu les électrochocs, l'aliénation, enfin vraiment être dans un asile pendant des années, la drogue, les médicaments, etc. Et c'était un homme cassé, abîmé. Ouais, quoi. Ouais. Mais je suis plus sens... Oui, c'est autre chose, là on est dans la pathologie. Hein. Avec Artaud, on est ailleurs. Hein. À part cette magnifique phrase qui traduit tellement bien notre époque... Avec la psychologie, ils réduisent constamment l'inconnu au connu. Ça, c'est Artaud qui dit ça. Et un très beau livre d'Artaud qui est Le théâtre et son double. Mais quand vous êtes sur scène et que vos spectateurs, vous les regardez de temps en temps quand même, j'imagine, vous n'êtes pas simplement en train de... Pas dans la pièce que j'ai jouée là... Non, non, mais ça c'est une pièce de théâtre. De boulevard. Voilà. Actuellement là donc avec Céline. Avec Céline, mais on en reparlera tout à l'heure dans notre deuxième entretien. Céline. Mais avec tous les spectacles littéraires, vous lisez de l'Apollinaire, du Chrétien de Troyes, du Rimbaud, du Flaubert. Ça sert à rien les citations à ce moment-là. Ah oui, mais vous êtes devenu un professeur à ce moment-là. Quand vous êtes sur scène, vous êtes le professeur des spectateurs. Alors, dans la deuxième partie, je fais ça depuis quelques années, une dizaine d'années. C'est un peu Pivot qui m'avait conseillé ça, parce qu'il m'avait fait un compliment incroyable en disant qu'il aurait... Bon. Qu'il avait quoi ? Non, mais on connaît la phrase. Il a dit, ah là là, c'est un prof de français, c'est curieux, parce que... Non, moi je fais, dans le Céline actuellement, je fais une heure purement du texte de Céline... Le voyage au bout de la nuit, l'arrivée du docteur Destouches, oui. En banlieue. En banlieue à la Garenne-Rancy. Et là, pendant une heure, je raconte la sortie des États-Unis, l'arrivée, l'attente à Bébert, la maladie de Bébert, Robinson, les horreurs, les avortements, la merveille, le style sublime. Je termine, je reviens, je prends un texte ou deux que j'ai adoré, par exemple. Sur le sexe, il y a un texte dans Le Voyage au bout de la nuit magnifique. Et à partir de là, je reviens sur certains moments du spectacle. Et là, je donne pas une explication de texte, ils n'ont pas besoin. Mais je reviens et je fais ce qu'on peut appeler des variations sur une phrase pour la faire éprouver, pour la re-répéter. Voilà, c'est ce que je fais depuis... Ça, c'est imposé. Ne m'inquiétez pas, c'est pas interactif. Ah, les gens répondent pas. C'est le mot que vous détestez, j'imagine. Pas vraiment. Non. Ça dépend. Alors, Fabrice Luchini, c'est le début de votre nuit rêvée, donc, puisqu'on va pouvoir entendre toutes ces émissions dont vous avez parlé. Et puis, alors, on les redonne. Donc, Claude Darget, Rive droite, Rive gauche, Le marché aux chats et aux chiens. Ensuite, la conférence de Louis Jouvet à Boston, qui date de 1951. Un livre des voix, Bernard Privat, à propos de son roman L'itinéraire. Et puis, la conférence au Vieux Colombier d'Antonin Artaud, dite par Philippe Clévenot dans une réalisation de Blandine Masson. On se retrouvera autour de 3h50 et après, il sera question de Philippe Muret, de Céline, et puis de Flaubert, et enfin de Guitry, parce que vous avez aussi... C'est beaucoup... vraiment bien votre... Ben c'est vous, c'est votre, ben c'est votre écoutez, choix. Écoutez, je trouve que c'est formidable ce que vous avez fait, parce que il y a une continuité là-dedans. Et on est un peu aéré par Guitry à la fin, parce qu'on n'a que des hargneux, géniaux. Philippe Muret est un génie de drôlerie, avec un rire qui s'oppose au ricanement. Mais c'est quand même un flippé, hein, pour aller vite, hein, pour parler de Jones, c'est quand même un flippé. C'est-à-dire que, bon, évidemment que le festif est un système totalitaire, mais on en reparlera. Après, on a qui ? Eh ben, on a Céline. Céline. Céline, bon, ben, c'est quand même... C'est pas un doux. C'est le pire qu'un... Pas un doux, c'est quand même un poète génial, collé à un être épouvantable, après. Et puis, Henri Guillemin. Flaubert, donc... plutôt bonhomme, plutôt sympa. Vous savez sa phrase, Trouver le beau par l'intermédiaire du vrai, il disait ça Louis Collet qui comprenait rien à son style. Trouver le beau par l'intermédiaire du vrai, voilà notre ambition, mais de la sympathie, il n'y en a jamais assez. Ça, c'est dans les correspondances de Flaubert. Bon, enfin, c'était un net passélinien, hein, Flaubert. C'est un réactionnaire pessimiste, mais vraiment bon, quoi. C'est un homme bon, Flaubert. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas du bon côté au moment de la Commune, mais c'est pas très grave. C'était un homme bon, c'est pas le cas de Céline. Au niveau bon, au niveau presque bonhomme moliéresque. Puis cette obsession de la bêtise est géniale. Après Flaubert, on a qui ? Eh bien, on a, et enfin, Guitry. Et on a Guitry, alors lui, qui n'est pas à la hauteur des gens dont on a parlé, mais qui nous fait du bien parce que c'est léger, quoi. Bon, bah écoutez, avant ces quatre personnages, on a d'autres choix d'archives, et c'est votre choix d'archives, Fabrice Lucchini, c'est votre nuit rêvée sur France Culture, et elle commence.